C'est le moment de suivre le journal en langue française. Voici les titres. Le parti Iprona trouve que le gouvernement devrait donner l'autorisation d'importation du sucre aux opérateurs si la Sosoumou n'est plus capable de satisfaire le marché. Et quant au parti Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi, Kodibou trouve que le gouvernement devrait appuyer l'industrie Sosoumou pour faire face à la pénurie répétitive qui s'observe au Burundi. Et à Mwanda, plus précisément à Mwanda, certains directeurs des écoles fondamentales sont en cavale en échappant aux convocations pour justifier comment ils ont utilisé les frais destinés aux enseignants contractuels. Les jeunes réunis dans des coopératives des provinces Mulanzia et Mwaro disent qu'ils font face à la capacité d'élaboration des projets bancables suite au manque de formation. Vous l'entendrez dans ce journal, mise en onde par Séraphine Akidimana. Et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Page justice pour débuter ce journal. Certains directeurs des écoles fondamentales de la commune Mwanda sont en cavale. Ils ont échappé aux convocations pour expliquer comment ils ont utilisé les frais destinés aux enseignants contractuels. Ces derniers, qui réclament un salaire de 3 mois, ont déjà lancé un préavis de grève. Ils vont arrêter le travail dès le 15 de ce mois s'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits, comme ils le disent. Le directeur provincial de l'enseignement a appelé ses directeurs en réunion pour statuer sur cette question. Le gouvernement devrait appuyer l'industrie sucrière Sosoumou pour faire face à la pénurie répétitive de sucre qui s'observe au Burundi. Lors d'une interview exclusive à la radio Isanganiro, Kefani Bidi, président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi, Kodebou en sigle, classe les raisons de cette pénurie en 2 catégories, dont l'insuffisance de la production de la Sosoumou. Suivez-le. La pénurie du sucre ne date pas d'aujourd'hui. Là où nous nous posons beaucoup de questions et sa réponse, comment est-ce qu'un problème peut durer plus de 15 ans sans que les institutions de la République trouvent des solutions adéquates à ce problème? Parce qu'on devrait d'abord identifier quelles sont les causes de cette pénurie qui s'observe à chaque fois et quelles sont les solutions possibles. Et on aurait déjà envisagé un plan de résolution de ce problème pour que le sucre qui est une denrée alimentaire utilisée par les ménages, mais aussi par certaines structures initiales, n'ayez pas une carence et ne se répète pas toutes les années. On se dit le problème à deux niveaux, mais je pense beaucoup plus que la Sosoumou n'a pas la capacité suffisante pour satisfaire les besoins nationaux, mais aussi on devrait vérifier qu'il n'y a pas des commerçants qui vendent clandestinement à l'étranger le sucre qu'ils ont reçu de la Sosoumou. La première solution, c'est d'augmenter la capacité de production de la Sosoumou. Soit que le gouvernement y injecte des capitaux supplémentaires ou qu'on cherche d'autres investisseurs privés burundais ou étrangers qui viendraient augmenter le capital social de la Sosoumou. Une autre solution, c'est de permettre d'autres industries sucrières qui viendraient s'installer au Burundi pour compléter le manque qui est enregistré par la production de la Sosoumou. Une autre solution, c'est qu'en attendant, c'est ce que je dirais durable, on devrait initier une autre solution intermédiaire qui est l'importation du sucre qui viendrait compléter celle de la Sosoumou, notamment en cas de pénurie. Et le parti Iprona dit s'opposer de multiples questions quant aux vraies causes de la pénurie généralisée du sucre. Le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, estime que le gouvernement devrait donner l'autorisation d'importation aux opérateurs économiques si la Sosoumou n'est plus capable de satisfaire nos marchés. Nos produits sucriers, c'est un produit de plus grande nécessité dans les différents ménages. Les enfants, même tout le monde, prennent du thé le matin avant d'aller au travail. Et aujourd'hui, nous avons entendu à travers les ondes et même les explications du porte-parole du Sosoumou qui disait qu'il y avait un problème du carburant pour pouvoir transporter jusqu'au point de vente les sucres. Mais si nous essayons d'analyser, nous trouvons que c'est le contraire. Il y a une pénurie généralisée. Alors, ce que nous pensons au niveau du parti Iprona, on se pose de multiples questions. Est-ce qu'il y a la fuite du sucre qui peut être vendu vers l'extérieur? Est-ce que, bien sûr, il y a une explication qui a été donnée un jour que la population burundaise s'est multipliée peut-être plus fois de 3, tenant compte de la production de ce saumon? Mais là, ce que le parti Rona suggère d'abord, c'est que quand il y a la nécessité du produit, le gouvernement du Burundi doit tout faire pour soit importer notre quantité pour effectivement pouvoir satisfaire la population burundaise. Et si au cas contraire, on exporte le produit sucrier alors que le marché interne n'est pas satisfait, il faut prendre des mesures pour empêcher cela. Et cela, c'est le ministère du commerce, mais aussi le ministère de l'Intérieur qui doivent prendre des mesures nécessaires pour effectivement empêcher ceux qui peuvent passer à côté et faire des fuites vers l'extérieur du produit sucrier. Et quant au motif selon lequel les consommateurs de ce produit se sont multipliés, Olivier Nkurunziza dit que ces explications ne sont pas fondées car cette société devrait aussi augmenter sa production, suivant encore une fois le président du parti Iprona. Et autre chose, c'est que vous savez qu'effectivement, ce saumon a été créé dans les années 70. Et peut-être les étendues, là où on plante les cannes à sucre, c'est peut-être l'étendue qui est un peu réduite. Il faut tout faire pour, bien sûr, s'il y a d'autres étendues, que le gouvernement essaie d'investir pour qu'effectivement la population soit satisfaite de la production de ce saumon. Et c'est ça ce que je peux dire. Il faut chaque fois prendre des mesures accompagnatrices. Et ce que nous pouvons seulement signaler, qu'il n'y ait pas, bien sûr, des communications qui tendent vers dire que oh, la population burundaise, vous voyez, vous êtes aujourd'hui multiplié par 4, et c'est la raison pour laquelle le produit ne sera plus, je dirais, à la satisfaction de tout le monde. Il faut que le gouvernement prenne des mesures nécessaires, soit en important le sucre. Chaque métier bénéfique, explique le président de la République à travers des exemples lors du Forum national des jeunes entrepreneurs de ce jeudi au stade Intwari. Évariste Ndayishimiye trouve que la jeunesse burundaise n'investit pas assez. Elle invite plutôt d'entreprendre, quel que soit le capital. Suivez-le, traduit en langue française par Aubin Niyonkuru. J'ai entrepris un petit projet dans la culture des champignons. Ce petit projet m'a permis de créer et de donner de l'emploi aux différents ingénieurs. Allez faire un tour là-bas. Plusieurs personnes y ont trouvé du travail. À l'époque des orpailleurs de Muyinga, je me souviens, ces gens vivaient en opulence. Lorsqu'ils voyaient passer une belle voiture, ils l'achetaient sans même négocier. Ici, au Burundi, je sais bien qu'il y a des gens incapable de fructifier 100 millions de francs, des personnes qui ne rêvent que des voitures de marque. Vous copiez les idées des autres. Soyez innovants. Ici, au Burundi, je sais bien qu'il y a des gens incapables de fructifier 100 millions de francs, des personnes qui ne rêvent que des voitures de marque. Beaucoup de jeunes ont des diplômes de haut niveau, mais sont malheureusement en chômage. Mais comment? Ces mêmes diplômes devraient leur permettre d'entreprendre d'une façon professionnelle. Mais certains attendent d'avoir des millions pour commencer. Ton premier capital, c'est toi-même. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, la pénurie des engrais chimiques, surtout dans la plaine d'Olimbo, est due aux spéculateurs qui les cachent pour ensuite les revendre plus cher plus tôt. C'est ce qu'affirme Deogui de Loudema, ministre de l'Environnement, ce mercredi lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Il dit aussi que les inspecteurs phytosanitaires sont disponibles pour pouvoir encadrer les agriculteurs. Les détails avec Armel Moutori. Lors de ses questions orales à l'Assemblée nationale, le problème de la pénurie des engrais chimiques, observé surtout dans la plaine de Limbo, a été soulevé. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a voulu comprendre les raisons de cette pénurie. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage parle d'une spéculation sur ces engrais et demande de dénoncer ce genre de comportement. Le député Simon Bizimungu, quant à lui, a voulu savoir si les inspecteurs phytosanitaires sont formés et s'ils sont dotés de badges pour pouvoir travailler et aider les agriculteurs. Le ministre a tranquillisé que le travail d'enregistrement de ces inspecteurs phytosanitaires continue et a invité le député à visiter le ministère pour se rendre compte par lui-même. Des études et des recherches sont en cours, notamment à l'ISABU, pour pouvoir homologuer l'utilisation des pesticides biologiques dans l'agriculture au Burundi. Rendez-nous à présent à Muyinga. Tous les administratifs de Muyinga doivent réaliser des œuvres qui resteront gravées dans la mémoire de la population. Le gouverneur Jean-Claude Baroutkwanayo l'a annoncé ce mercredi. C'était lors d'une visite en commune Muyinga. Il encourage cette commune pour le bureau en cours de construction, mais demande toutefois que les chefs de colline se dotent eux aussi d'un bureau collinaire, étant donné qu'il est indécent de recevoir les plaintes de la population à domicile. Pierre Claver Barundi, depuis Muyinga. Tout administratif de la province de Muyinga est appelé à laisser une œuvre pour laquelle la population se souviendra de lui. C'est le gouverneur Jean-Claude Batwanayo qui l'a annoncé ce mercredi dans une visite en commune de Muyinga. C'est bon qu'on prenne l'exemple de l'escargot. Il laisse une trace sur son passage. Un administratif doit donc laisser une œuvre. On ne doit pas terminer son mandat sans laisser un bon souvenir. Qu'on ne se souvienne pas de vous pour le concubinage ou la corruption, mais pour une œuvre remarquable. Le gouverneur Batwanayo salue les efforts de la commune de Muyinga à se construire un bureau moderne, mais demande que les chefs de colline aussi fassent de même. D'après lui, ce n'est pas décent de recevoir les plaintes de la population à domicile, car chaque ménage a ses problèmes qu'il ne faut pas mêler à ceux d'autres ménages. Un chef de colline doit donc se doter d'un bureau collinaire où il peut conserver en toute sécurité ses documents administratifs. Le gouverneur Batwanayo entend poursuivre ce genre de visite dans d'autres communes de son ressort. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver Barundi. À Kayanza, certains habitants de la colline Ngonge en commune Muruta disaient être menacés par un employé du ministère de la Justice originaire de cette commune qui confisque leurs propriétés foncières. Ils ont dit ce mercredi dans une séance de dialogue organisée et tenue par le gouverneur de la province Kayanza au chef-lieu de la commune Muruta, Rémi Chishahayo, promet de suivre de près cette question afin que la population soit rétablie dans leurs droits. Le point avec Patrick Senguiyumva. À l'occasion de cette séance de dialogue organisée et tenue par le gouverneur de la province Kayanza-Muruta, il a été pour la population de cette localité une belle occasion de présenter à cette autorité administrative certains des problèmes qui hantent la bonne marche de leurs activités quotidiennes. Beaucoup parmi ces habitants qui se sont exprimés ont parlé surtout des problèmes liés aux conflits fonciers et des procès irrelatifs. Ceux de la colline Nenghongue, de leur côté, disent être menacés par un certain Savimana Célestin, un employé du ministère de la Justice qui confisque leurs propriétés foncières. En nous dépossédant de nos biens, témoignent ses habitants victimes, cette personne le fait en complicité avec ses frères, qui l'aident à enlever les bornes qui délimitent les propriétés foncières des uns en des autres et les déplacer en faveur d'elles. À part la spoliation qui se fait de cette manière, indiquent toujours ses habitants de la colline Nghongue, Célestin Savimana va même à menacer certains propriétaires des propriétés foncières de les céder pour lui également. Les informations qui sont d'ailleurs confirmées par Lucie Cyprien, chef colinel Nghongue. À toutes ces doléances des uns et des autres parmi la population de la commune Muruta et surtout celle de la colline Nghongue, Rémi Chishahayo, gouverneur de la province Kayanza, promet à la population une issue favorable dans un proche avenir. Un autre problème lié au conflit foncier qui a été cité par la population de la commune Muruta est celui des parcelles qui se vendent alors que les procès et relatifs ne sont pas tranchés. Le président du tribunal de grande instance à Kayanza, de même que le gouverneur de la province Kayanza, tous attribuent la responsabilité de ce problème à certains administratifs à la base qui n'accomplissent pas convenablement la mission leur assignée. Rémi Chishahayo les demande de se ressaisir. Depuis Kayanza, Patrick Senguiyumva pour la radio Isanganiro. Actualité sportive à présent, mobiliser les fonds de construction d'un gymnase sportif Tel est l'objectif du lancement du tournoi de saison sportive édition 2022. Cela a été annoncé ce jeudi par le président de la Fédération burundaise de volleyball lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Général Serge Nakavula fait savoir que les équipes qui seront classées premières dans cette compétition recevront un trophée et une enveloppe de 500 000. Suivez-le. C'est le tournoi qui s'inscrit dans le cadre en fait de lancer des activités donc de la saison au niveau du volleyball. Et ces activités vont débuter le 5 février de cette année, c'est-à-dire le week-end donc de cette semaine. C'est-à-dire on commence samedi et dimanche et puis il y aura des matchs qui vont opposer l'équipe de l'association volleyball de Bujumbura. Comme je l'avais dit, on n'a pas considéré dans ce tournoi les équipes de l'intérieur du pays parce que maintenant nous sommes dans une phase organisationnelle au niveau des associations de l'intérieur du pays. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi que les participants dans ce tournoi soient seulement les équipes de la VAB parce que ce sont elles qui sont jusqu'à présent en ordre avec la nouvelle registration de notre fédération. On n'a pas pu mobiliser beaucoup de sponsors, mais quand même avec le prix que nous avons eu, la première équipe au niveau des hommes aura de même que chez les femmes, 500 000 francs et les deuxièmes équipes auront les 250 000 francs. En fait, c'est une activité qu'on a prévue dans le cadre de lancer en fait les activités du volleyball parce que l'on ne peut pas rester muet pendant 2-3 mois sans qu'il y ait des matchs. Alors on a décidé à ce que quand même on organise un tournoi afin que quand même les amateurs du volleyball n'oublient pas à loger. C'est dans ce cadre qu'on a organisé en fait le tournoi. Et à Kirundo, certains parmi la population de la commune Bwambalangwe se plaignent de la non-exécution des procès dans le service judiciaire, ce qui pousse la communauté à vivre dans un climat de conflit. Cela ressort du dialogue organisé par le gouverneur de la province Kirundo ce mercredi sur la colline Mukenge Bwambalangwe. En province Kirundo, le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, demande que le procès soit tranché et mis en exécution conformément à la loi. Et la capacité d'élaboration des projets bancables est l'un des défis auxquels font face les jeunes réunis dans des coopératives des provinces Muramvya et Mwaro. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro dénoncent le manque de formation et l'administration de son côté leur demande de participer dans les réunions de sensibilisation. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Serafine Akidimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho.